Prise de la Bastille, de Frivolité de Jean Brumaire. Lu pour LibriVox.org. Prise de la Bastille. 89. C'était toujours la barbarie, et le peuple marchait en traînant un boulet, sans liberté d'un jour et n'ayant pour patrie que le champ qu'il creusait à son joug attelé. Et ce sol qu'il fouillait de ses mains sans relâche ne poussait pas pour lui ses épis de froment. Esclave irréfléchi de l'éternelle tâche, il travaillait sans but, sans espoir, sans paiement. Il mangeait du pain noir, dérision amère, le riche fainéant dans son château doré récoltait seul les fruits de la commune mère et rouait le manant s'il avait murmuré. Il n'avait pas le droit de protéger sa fille, et si quelque seigneur la trouvait à son goût, le seigneur la prenait. Qu'importait la famille? C'était le bon plaisir du maître, et c'était tout. C'est ainsi qu'il marchait dans l'ombre et l'ignorance de l'enfance au tombeau qui tardait à s'ouvrir, en s'étonnant que Dieu, son unique espérance, ne fût pas désarmé de le voir tant souffrir. Mais un jour on lui dit « Serre, ton roi n'est qu'un homme, ton maître, un homme, et toi qu'il ravale ainsi, toi dont ils veulent faire une bête de somme, qu'on bafoue et qu'on bat, n'es-tu pas homme aussi? Ne sens-tu pas un cœur battre dans ta poitrine, et n'as-tu pas deux bras manants pour te venger? Pourquoi tout l'or pour eux et pour toi la famine? À quoi bon travailler si tu ne peux manger? Ils sont 10, vous 100 000. Allons, plus de méprise, il est temps, lève-toi, montre tes poings nerveux, et demain tu seras libre, serre, si tu veux. » Il comprit. Ce jour-là, la Bastille fut prise. Fin de Prise de la Bastille, lu par Ezois en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.